Donc je me présente, moi je suis Corinne Desforges, je suis ancienne élève de l'ENA et j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de mon métier d'inspection sur la fonction publique, sur les concours, sur la protection sociale complémentaire, sur l'attractivité, sur les moyens des organisations syndicales de la fonction publique, sur la formation continue, sur la formation initiale, etc. etc. Donc je suis un peu dans un secteur que je connais. Je voudrais vous demander de m'excuser parce que je serais obligée de partir à 12h30 parce qu'on me demande de remplacer quelqu'un dans un déjeuner. Et bon, ça me gêne un peu, mais c'est comme ça, premièrement. Deuxièmement, ce que je voulais vous dire, c'est que donc, moi, j'ai traité beaucoup plus mérite et concours dans la fonction publique française dans les propos que je vais prononcer, à la différence d'Annabelle, et je trouve très intéressant cette confrontation universitaire fonctionnaire. Il se trouve que je suis dans le jury de concours de sortie de l'INSP cette année, et je suis correctrice d'une épreuve dite RIEX, qui est un rapport individuel d'expertise. L'idée de l'école est d'inciter les élèves à faire de la recherche. Et donc, on leur demande de faire un mémoire en 40 pages où il y a une recherche universitaire sur le sujet de leur choix, tout en ayant des recommandations comme s'ils étaient fonctionnaires. Et ce qui est intéressant dans cette lecture, c'est qu'on y retrouve ce que vous avez mis vous, c'est-à-dire énormément de citations, ce qui n'est pas du tout habituel dans nous, chez nous fonctionnaires, des citations de lecture, de rencontres, et c'est vraiment tout à fait différent comme approche. Et j'en prends pour preuve, c'est que moi, j'ai cherché ma définition de concours et de mérite sur Internet, et dans le Larousse et dans le Robert, ce qui n'est pas du tout votre cas, puisque vous l'avez cherché dans des revues universitaires et dans des termes universitaires. Donc, cette approche, je trouve intéressant de confronter deux points de vue totalement divergents. Donc, moi, j'ai cherché à comprendre pourquoi on avait rapproché ce matin mérite et concours, et j'ai trouvé, si vous voulez, à plusieurs reprises, la définition du concours comme une épreuve dans laquelle plusieurs candidats entrent en compétition pour un nombre limité de places et de récompenses. Et si vous allez sur Internet, sur concours, le premier item qui sort, c'est concours dans la fonction publique. Ça veut dire l'importance que ça a. Il n'y a même pas la définition du mot concours qui vient après. Les premières lignes, c'est concours dans la fonction publique, avec toutes les boîtes privées d'ailleurs qui vous proposent de vous aider à faire des concours. Le concours, comme vous le savez, c'est une sélection objective, c'est le mode de recrutement des fonctionnaires jusqu'à la loi de 2019 qui a un petit peu changé les choses. Il y a beaucoup de types de concours, on n'arrive même pas à les recenser. L'article 16 de la loi de 83 avait bien dit que les fonctionnaires étaient recrutés par concours sauf dérogation, mais la loi de 2019 est largement revenue là-dessus. Par exemple, si on prend l'INSP, que je citerai peut-être plus souvent puisque je le connais bien, mais je ne suis pas la seule, il y a quand même maintenant 5 concours différents pour entrer à l'INSP, de telle manière qu'on aboutisse autant que possible à une diversité des populations recrutées. En ce qui concerne le mot mérite, le mérite, d'après le Larousse hein, ou le Robert, je ne sais plus, c'est ce qui rend la conduite digne d'estime ou de récompense, ou eu égard aux difficultés surmontées. Moi, j'aime bien cette double notion, j'y reparlerai tout à l'heure, parce qu'il y a à la fois la récompense, mais il y a aussi eu égard aux difficultés surmontées. J'y reviendrai parce que les difficultés surmontées, ça peut être des difficultés de connaissance, de compétences, ou d'approche sociale, comme vous l'avez évoqué. Alors, le mérite et le concours, l'idée, c'est quand même, pour la fonction publique, les trois fonctions publiques, c'est comment mesurer les mérites relatifs des candidats et choisir les meilleurs. C'est bien ça l'objectif d'un concours, c'est face à un grand nombre de candidats, c'est choisir le meilleur. Donc c'est apparu il y a très longtemps maintenant comme le moyen le plus neutre après des périodes de népotisme, d'arrangement. On a essayé en particulier à partir de 1945 quelque chose de très neutre, c'est-à-dire des concours, ce qui est la grande différence avec le secteur privé, où vous êtes recruté intuitu personae. Donc le concours, c'est quand même l'idée que tout le monde est égal face à des épreuves. Mais attention, moi j'ai été invitée en 2007 à faire avoir une réflexion sur le contenu des concours. Vous savez bien, c'était la suite de la remarque de Nicolas Sarkozy, alors, je ne sais plus s'il était ministre, c'était déjà président de la République, et 2007, c'est le moment où il a été élu, alors je ne sais pas trop si c'était avant ou après, je n'ai pas le souvenir, la princesse de ses collaboratrices a été interrogée dans un dans un concours sur qui a écrit La Princesse de Clèves. Et Nicolas Sarkozy a, paraît-il, fait une colère, moi j'y étais pas, hein, en disant c'est quand même ridicule et scandaleux, il faut changer tout ça. Donc mission d'inspection, qu'est-ce qui se passe dans le contenu des concours? Et je suis allée regarder dans tous les concours de la fonction publique d'État, et j'ai regardé les sujets qui étaient posés, je vous en ai sélectionné quelques-uns, c'était des catégories C, j'en ai des pages entières, c'est extraordinaire. Par exemple, pour des gens de niveau catégorie C, c'est-à-dire niveau brevet des collèges, niveau scolarité, on leur demandait... Quel est le mot de genre féminin? Stalactite, épilogue ou emblème? Ou bien en mathématiques, alors je suis pas sûre d'avoir la réponse, moi. 6 mars équivaut à 75%, avril à 60% et jeudi à 40%, quel pourcentage est associé à juin? 10, 20, 30 ou 50? Vous voyez, c'est des singes savants, j'en ai des pages entières de trucs, moi-même je ne saurais pas répondre. Et c'est sur ces sujets-là qu'on recrutait il y a 15 ans, c'est-à-dire quand même relativement récemment, des jeunes fonctionnaires destinés à servir l'État. Alors, il y en avait de toutes sortes. Donc, on en a parlé au ministre, on a dit qu'il faut arrêter tout ça. Et on a réfléchi donc à la fois sur le fond des concours, mais aussi sur la forme des concours. Et ma réflexion, cette réflexion sur ce sujet n'était pas universitaire comme la vôtre, mais très concrète. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour avoir les candidats les meilleurs, mais les meilleurs, en quel sens meilleurs? Le mot meilleur ne voulant rien recouvrir. Est-ce que c'est les meilleurs dans la connaissance, dans la compétence, dans le savoir-être? Tout ça a été très intéressant. Est-ce que les épreuves telles qu'elles existent à ce moment-là sont discriminantes? Quelles sont les épreuves à mettre en place pour que ce soit un recrutement utile? Alors je le dis, mais Mylène ne le sait peut-être pas, mais à cette époque-là, moi j'étais allée voir tous les syndicats. Et ça ne représentait pas beaucoup d'intérêt en 2007. Je me souviens très bien avoir été allée voir la CGT, Jean-Marc Canon, que tu connais parfaitement. Bof, les épreuves de concours, le contenu des épreuves, la forme des épreuves. Personne ne m'a... En 2007, vraiment, ça n'intéressait pas, mais ça a pris Donc moi, j'ai dédié mon rapport à La Princesse de Clèves. Alors évidemment, j'ai été reprise dans la presse, parce que c'est quand même la première fois qu'un rapport d'inspection était dédié à Madame de Lafayette, rédactrice de La Princesse de Clèves. J'ai eu une très jolie couverture presse, ce qui a fait remuer un petit peu les choses. Et en 2009, il s'est passé beaucoup d'événements. Par exemple, j'ai eu une journée d'études à l'ENA sur les concours en question. Mais à l'ENA, c'était les concours en question. Est-ce qu'il faut ou pas ceci, cela? Bon, il y a eu un comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics qui a dit combien ça coûte les concours. C'était 100 millions d'euros à ce moment-là, ce qui est quand même beaucoup. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas un tiers des places qui soient vides parce qu'on retient des salles et les gens ne viennent pas? Enfin, beaucoup de réflexions sur les concours. Et c'était une première. À la CFDT, j'ai quand même participé en 2009 à un séminaire sur la fonction publique recrutée ou sélectionnée. Le journal Libération écrivait « Le mérite, quel mérite ?» en mars 2009 sur les concours. Voilà. Et tous ces sujets-là ont commencé à prendre forme à cette époque. Mais en fait, ça n'a pas bougé tout de suite. C'est ensuite que ça s'est mis à bouger beaucoup. Et je voudrais vous dire qu'en 15 ans, en fait, on a pratiquement totalement changé, pas moi, mais la direction générale de la fonction publique, les ministres, les directeurs RH des ministères ont vraiment changé leur approche sur les concours. Et on est pratiquement passé, moi j'estime, d'un mérite mesuré par les connaissances à un mérite sur les compétences. Même si, à mon sens, mais je n'aurai peut-être pas le temps d'en discuter avec vous, on est à la limite de ce qu'on peut faire quand on s'interroge sur les compétences des gens, qu'on est extrêmement bienveillant, qu'on ne leur pose pas de questions. Pour moi, le comble du comble, je le dis, pour le répéter, ça m'est égal, je l'ai déjà écrit, c'est qu'au nouveau concours de l'INSP, concours interne de Sciences de l'ENA, il n'y a plus de droit obligatoire. C'est-à-dire l'épreuve de droit est facultative. Je ne sais pas si vous imaginez des hauts fonctionnaires partant en stage, puis prenant des positions, etc., qui n'ont pas fait de droit, qui ne savent pas ce que c'est qu'un maire, un préfet, une constitution. Enfin, moi, je trouve qu'on est arrivé, je sais que Mélène n'est pas d'accord, on est arrivé au bout du bout du sujet, si on peut entrer dans des concours pour être fonctionnaire sans faire de droit. Mais on est passé des connaissances aux compétences. Alors, ce qui s'est passé aussi dans ces concours, c'est qu'on a beaucoup professionnalisé les recrutements, c'est-à-dire que les postes sont beaucoup plus élaborés en termes de GRH, on fait des recherches sur ce qu'il faut, on évalue la manière dont on a recruté après un concours. On a lancé toute une formation des jurys. Maintenant, tous les jurys de concours sont formés, et formés notamment à la non-discrimination. Il y a une liste de plus de 20 types de questions qu'on ne peut pas poser. C'est assez étonnant. Donc, il faut être toujours bienveillant, il ne faut surtout pas bousculer les candidats. Moi, je vais assister de temps en temps, puisque c'est ouvert, à des recrutements sur concours. Effectivement, ça a totalement changé. Il n'est plus question de leur demander qui a écrit La Princesse de Clèves, mais est-ce que vous vous souvenez de telle chose positive ou négative dans votre carrière? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? C'est très différent. Est-ce que c'est mieux ou pas? On le saura dans quelques années, mais ça a vraiment beaucoup évolué. Et il y a également une bien meilleure information sur les concours. On a beaucoup communiqué, les ministères communiquent beaucoup, vous avez la bourse de l'emploi public, enfin il y a beaucoup de choses qui vous permettent de savoir quels sont les concours accessibles dans les trois fonctions publiques. Ça a beaucoup évolué, donc on peut mieux recruter. On a pris en compte maintenant aussi ce qu'on appelle la reconnaissance c'est quoi RAE pour un acquis de l'expérience. Tu dis le reconnaissance des acquis de l'expérience. Acquis de l'expérience. Ça, c'est important aussi, c'est-à-dire qu'on prend en compte ce que les gens ont déjà fait pour les concours en interne et les troisièmes concours, ce qui est intelligent, c'est-à-dire ils savent faire des choses, on ne peut pas repartir de zéro. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. On a fait les classes préparatoires intégrées, vous en avez parlé, et on adapte certaines épreuves sur tout ça au futur métier, c'est-à-dire qu'on fait des mises en situation, on fait des mises en situation collectives ou individuelles. Bon, tout ça, c'est très nouveau. On verra dans quelques années quelles sont les conséquences, si vraiment ça a fait évoluer les candidats à recruter et si ça les a rendus, comment dire, plus efficaces dans leurs premières années de fonctionnement, puisque c'est bien ça l'objectif, c'est d'avoir des gens qui ne sont pas seulement des savants, mais qui savent faire des choses. Je dis quand même que pour les classes talents, les fameuses classes talents qui existent depuis maintenant plusieurs années, elles ne font pas le plein du tout, hein. À peine la moitié, même. Il y a des classes talents où il y a 2 élèves, alors qu'on avait prévu 10, 15, 20 élèves, ça aussi, il faudra l'analyser. Pourquoi, alors qu'on met un dispositif pour les classes moins favorisées, a priori, pourquoi ils n'y vont pas? C'est un sujet qui n'est pas pour l'instant traité. Alors, pour autant, des questions se posent toujours sur ces concours. Est-ce qu'il faut faire des concours quand les gens ont déjà des diplômes? Est-ce que c'est vraiment utile de refaire un concours d'infirmière dans la territoriale alors que les gens ont déjà le diplôme d'infirmière? Est-ce qu'il faut vraiment bannir la culture générale? Alors ça, c'est un sujet qui revient tout le temps, qui remonte plutôt sur une enfant un peu quand même, parce qu'il n'y a pas uniquement les connaissances techniques. La culture générale, si à 25 ans, vous n'avez pas un minimum de connaissances de la vie de votre pays, vous ne pouvez pas progresser dans votre carrière plus tard. C'est tout ça qu'il faut voir. Et puis, ce qui est un peu à craindre aussi, c'est toutes ces boîtes privées de préparation qui font de l'argent là-dessus. Je veux dire, ça, c'est un dommage collatéral de ce qui existe depuis sur les concours. C'était beaucoup moins vrai, il y avait beaucoup moins il y a 20, 30, 40 ans, il y en avait une ou deux maintenant. Alors là, tout le monde s'est obligé, dans l'enseignement scolaire d'ailleurs, d'en faire un peu plus et encore plus quand il s'agit des concours. Donc c'est vraiment une difficulté financière qui n'a pas beaucoup de sens. Moi je trouve que, si vous voulez, je pense qu'on va donc beaucoup plus de la définition du mérite en tant que récompense d'une connaissance, d'épreuve, de travail, vers un mérite qui est une sorte de solution aux difficultés rencontrées. Vous voyez, on est allé dans la définition de mérite connaissance vers la mérite de ceux qui ont des difficultés au départ et qu'on aide à surmonter ces difficultés en leur offrant plus de possibilités d'entrer dans la fonction publique, parce qu'on recherche une diversité dans la fonction publique. Même si moi je ne suis pas persuadée qu'elle soit si faible que ça, je parlais avec une amie là, d'un mes jeunes collègues de l'inspection générale de l'administration qui a fait l'ENA récemment, qui est sortie d'ENA, dont la mère tient un commerce, une épicerie de village dans le Haut-Ariège. C'est quand même des gens, c'est possible, je veux dire, c'est pas du tout impossible, simplement il faut beaucoup de courage et beaucoup de ténacité pour passer toutes les épreuves intellectuelles qui consistent aussi bien à passer des concours, aussi bien à s'inscrire là, qu'à accepter de déménager. Enfin, ça reste quand même un chemin de croix, mais l'ascenseur social n'a pas, à mon avis, totalement disparu. Alors, 2 ou 3 connotations pour finir, parce que j'ai déjà pris pas mal de temps. Je pense que on parle beaucoup maintenant d'une tête bien faite, c'est-à-dire qu'il faut la bienveillance, il faut vérifier s'ils vont s'adapter, etc. Moi, je dis, parce que je suis haut fonctionnaire au bord de la retraite, donc très expérimenté, qu'il serait bien d'avoir des têtes bien pleines aussi. Moi, j'ai du mal à penser qu'on puisse vraiment devenir un haut fonctionnaire ou un fonctionnaire catégorie A, enfin beaucoup de postes, hein, sans avoir quand même des connaissances. Je ne dirais pas que les médecins peuvent devenir médecins sans savoir ce que c'est que l'anatomie, mais c'est pratiquement ça. Le droit public ou l'anatomie, pour moi, c'est un parallèle. D'ailleurs, on ne peut pas imaginer qu'on ne sache pas où l'économie ou le droit. C'est l'économie ou le droit que vous passez comme épreuve. Donc, si vous faites du droit, vous ne savez pas l'économie. Dans un pays comme le nôtre, c'est quand même un petit peu gênant. Hein, donc, le concours n'est peut-être plus à la mode, ça c'est vrai. On parle beaucoup plus de recrutement contractuel. Moi, je vois un peu partout que ces recrutements contractuels, quand j'en entends parler par des gens qui les... Il y a une part de subjectivité très nettement supérieure à celle des concours, notamment à cause de l'anonymat des copies. Moi, je comprends la volonté d'ouvrir, mais quand même, je pense que c'est dangereux de cette subjectivité. Et on peut pas, quand on voit passer un oral, moi, je peux parler avec certains d'entre vous, c'est subjectif, le sentiment que j'ai à votre égard. C'est vraiment subjectif. Et c'est, voilà, on peut avoir de la sympathie ou pas de sympathie, et c'est pas bien. Parce que c'est pas ça qu'on doit apprécier, c'est la capacité de cette personne à réussir plus tard comme fonctionnaire. Voilà. Et dernière chose, donc, comme vous le savez, il y a un gros problème d'attractivité actuellement dans la fonction publique, mais curieusement, au concours de l'INSP, dont les candidats viennent de finir de s'inscrire fin avril, il n'y en a jamais eu autant. Alors là, je ne sais pas l'expliquer. Voilà. Oui, je voulais juste vous poser une question. Vous n'avez pas interrogé M. Amadieu, qui est un grand spécialiste de la discrimination dans les concours? Qui est un psychologue social, oui. Effectivement. Vous ne l'avez pas cité, ça m'a surpris. Oui. Mais non, je connais bien sûr ses travaux, mais si, bien sûr, effectivement, je connais bien ses travaux. Et c'est d'autant plus intéressant parce qu'il a une approche par testing, en fait. Oui, tout à fait. Donc, avec des CV... dont ils changent les noms, etc., pour tester la discrimination, notamment sur une base ethnique, mais aussi tout un aspect... Vous parlez de Yannick Lortie. Yannick Lortie aussi, oui. Yannick Lortie, effectivement. Et Amadieu Lortie, c'est des gens qui ont beaucoup écrit. Ouais. Mais sur la discrimination, effectivement, ce que j'aime beaucoup dans leur étude, c'est qu'il y a une prise en charge, en plus, articulée entre discrimination sur le genre, la maternité, la grossesse, dont vous allez parler, formidable, mais aussi donc sur le corps, sur la question de l'obésité, etc. Il y a beaucoup de la beauté, l'obésité, etc. Donc voilà, j'ai pas cité, mais c'est voilà, non mais je vous laisse. J'aurais pu faire un autre. Non mais pas de.